Bonsoir, chers auditeurs. Première émission de l'équinoxe. Et l'automne arrive avec sa couleur, ses joies, son soleil, mais aussi ses tristesses. La tristesse principale de ces jours-ci, c'est le départ de Joël Coucheron, qu'on n'a pas eu assez ici à Guémozo, à mon avis, encore qu'il a dû passer dans d'autres émissions. Moi, je regrette de ne pas l'avoir plus sollicité avec son immense œuvre de patrimoine vivant, de patrimoine immatériel, ses photos qui sont immortelles et qui retracent bien la montagne vosgienne. En 1975, il se lance dans la photo de paysages et de gens de la Terre dans une quête ethnographique précise et précieuse. Depuis, ce fou d'image, auteur de nombreux ouvrages, n'avait cessé d'arpenter le massif à pied, à vélo, pour immortaliser ces gens dans des portraits incroyables, souvent en noir et blanc, et déclarer son amour aux Vosges. Voilà, donc, les grands de la photo, Vincent Munier, Michel Laurent, se penchent sur ce départ. Et tous les autres, bien sûr, tous les gens des Vosges, de Sapois en particulier. Voilà, pour moi, le contact avec Joël, ben, c'était quand même chaleureux chaque fois. Je crois que j'avais voulu le faire venir au Ballon d'Alsace, et puis il n'avait pas pu, bon bref, lors des salons d'auteurs. Et malgré tout, on avait travailler en quelque sorte ensemble, avec feu aussi Jean Saltel, dans la tradition, dans le cycle des feux, un ouvrage vraiment magistral, qui montrait toute cette tradition. Il n'y en a eu qu'un seul volume, il devait y en avoir un deuxième, et Jean Saltel est parti avant, et Joël avait fait de très belles photos, notamment à la Piquante Pierre, où on commençait en 86 nos feux en montagne. Voilà, une nostalgie aussi, puisque nos feux, à l'heure actuelle, notre feu du ballon, prévu le 16 juillet, reprévu le 19 août, reprévu le 24, là, à l'équinoxe, ben est toujours reporté. Alors la Chavande est toujours là, on va voir. Et on vous dira quand on pourra la célébrer, si on peut. Voilà. Voilà, en tout cas, feu Joël Coucheron, à toi dans les images et au-dessus des nuages. Voilà, ensuite, cette soirée sera consacrée au tétraèdre, à l'inauguration du panneau du tétraèdre pour les Journées du patrimoine, le 18 septembre à Busson. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et ce sera suivi par un entretien avec Francis Cuny, notamment. Puis, vous écouterez un extrait de la dernière sélénite du 11 septembre, décalé d'un jour pour des raisons de stage d'un certain nombre d'entre nous. Et bien sûr, c'était une très belle lune, marquée notamment par le gong de Fanchon-Coville. Puis, je vous emmènerai à nouveau au Théâtre du Peuple, où, dans la dernière partie d'août, a été effectuée une lecture de Sonny Laboutancy, auteur africain, en mémoire de Monique Blin, des Francophonies, qui faisait partie du Théâtre du Peuple et qui avait fait connaître cet auteur donc africain, dont nous avons donné une lecture bien suivie. Et enfin, un extrait du spectacle du Chant des Arbres, qui sera renouvelé ce samedi au plateau Ivre. Ce sont des arbres avec Chantal Laxener et sa chorale. eh bien, vous pourrez l'écouter directement ce samedi au Plateau Ivre, puisque le Plateau Ivre, chaque année, célèbre l'équinoxe, notamment. Et il y aura aussi, avant, une troupe sympathique à 18h, tout possible, et le chant des arbres, c'est à 20h. Voilà. Bon, d'autres choses auraient pu être dites, notamment le magnifique spectacle Camille Claudel au petit théâtre de la compagnie Sans Scène, mais on y reviendra puisque ce théâtre continue ses activités tout au long de l'année et bientôt d'ailleurs fin septembre si je crois bien. Voilà, je vais même vérifier. Oui, donc j'ai les précisions. Au petit théâtre du Neupré, le théâtre sans animaux. Voilà, pièce de Jean-Michel Ribes. Le vendredi 30, le samedi 1er octobre, le vendredi 7, le samedi 8, le 14 et le 15. Voilà, à ne pas manquer et à réserver, le théâtre est petit. 06 40 réservation à 06 41 33 74 26. Voilà, donc, et tout de suite, nous en venons à l'inauguration du tétraèdre. Enfin, pas l'inauguration du tétraèdre, il avait été inauguré en 2014 déjà, dans le cadre du parc des ballons, de ballons en balade. Enfin, c'était une vaste organisation, une vaste mise en valeur de la 15 mus. Terra incognita dans les hauts de Bussan, entre Ventron, le Ménil et Bussan. Et donc, il s'agissait d'indiquer ce que c'était. Alors, vous allez voir le tétraèdre, vous entendrez Frédéric Durand, son créateur, vous entendrez Francis Cuny, qui en 2014 avait, de façon fabuleuse, garni toute la forêt de 80 bancs. Je l'appelle l'Hercule des Hautes-Vosges, l'Héraclès, si on préfère, en grec. Et puis, vous entendrez aussi donc les chanteuses Aïssa Teba, qui célèbrent ce moment par une chanson de paix. Sylvie Leguet, de même, par une autre chanson. Et Christophe Toussaint, au cor des Alpes, ou au Bucaire plus exactement, c'est pas exactement un corps des Alpes, vous entendrez. Et puis bien sûr, quelques interventions, dont celle de Bachir Aïd, maire de Bussan. Et étaient présents donc effectivement les édiles des communes riveraines, notamment bien sûr Bussan et Le Tillot, car Le Tillot a également une partie de la 15 bus. Donc, je vous laisse écouter cela. Ça sera suivi d'un aparté que j'ai capté ensuite avec Francis Cuny. C'était trop bien. J'ai mis le micro en route. Et c'est toujours excellent d'entendre Francis qui parle de toute sa vie au contact de cette forêt où il a fait ses premières expériences de bûcheron avec son père. Voilà. Voilà. Voilà. Merci à Christophe Toussaint pour cette ouverture de l'inauguration. Alors, merci à vous tous d'être venus. Merci à Monsieur le maire et à Messieurs les conseillers municipaux de Bussan, à Monsieur les adjoints Monsieur l'adjoint du Thio, Jean-Marie. Donc, Jean-Marie Chivot. Bon, merci bien sûr aux musiciens qui sont là. Merci à l'ancien maire de Remiremont qui a participé à l'inauguration, à la première inauguration qui a eu lieu en 2014. Et merci à Francis Cuny et bien sûr Frédéric Durand qui ont été à l'origine de cette aventure, de cette retrouvaille avec la Casmus. Voilà. On aura peut-être l'occasion de dire un petit mot, pas trop long, mais quand même, parce qu'il y a un pot qui nous attend. J'avais pris la sono parce que ça permet de monter un peu. Voilà. Et merci donc Nathalie, conseillère municipale, mais également qui va nous couvrir par la presse. Voilà. Et merci donc à monsieur de l'ONF. Puis si j'en oublie des notables, eh bien ils n'auront qu'à me fustiger. Et donc, alors, bon, cette inauguration, eh bien, Francis Cuny, j'ai envie de te donner la parole juste pour dire ce qui nous a engagés dans cette aventure de la Casmus. Francis Cuny, sculpteur, dont les œuvres sont visibles partout dans la forêt, 80 bancs. Qui était un peu comme une lumière sur la montagne. Quand Vincent m'a dit, écoute, il y a peut-être quelque chose à faire avec les arbres qui étaient tombés et les volumes d'accueil que j'avais l'habitude de faire en bas dans la vallée, Vincent m'a dit, écoute, peut-être que ce serait bien sur la montagne de faire quelque chose. Donc du coup, j'ai proposé, vous les avez vus, ils sont en train de disparaître un petit peu, de retourner à la terre, c'est pas mal non plus, des bancs qui sont symboles d'accueil. Mais je crois que les Vosges sont comme ça. Chaque fois que les gens viennent de loin dans les Vosges, ils disent, dis donc, il y a quelque chose ici qui se passe, qui fait qu'on a envie d'être là pour le paysage, pour la montagne, mais aussi pour les gens qui vivent ici. Donc voilà, on a subi un mouvement, qui était le mouvement de l'époque, il y a combien d'années 2013. Et le tétraèdre a été inauguré une première fois, là aujourd'hui c'est le panneau, en 2014, avec la photo et avec un certain nombre d'édiles, dont Bernard Godefroy, qui représentait le pays de Remiremont à l'époque. Mm-hmm. Et qui est sur la photo. Et du coup, eh bien ça a donné 80 volumes de bois, enfin, je sais pas, on appelait ça les sièges du haut, qui étaient à la fois pour regarder d'un côté et de l'autre. Comme les arbres étaient tombés à l'époque, on voyait un peu plus de paysage de temps en temps, donc on les a placés aux confins des routes. Il y en a sur les trois communes, entre le Ménil, Ventron et Bussan, et jusqu'à l'Ermitage de Frère-Joseph, en fait. Je ne sais pas trop dans quel état ils sont, mais il y a eu un superbe enthousiasme à l'époque de la part de l'équipe justement d'Ermitage. À un moment donné, je dis, ben écoute, allez-y, vous savez mieux le territoire que moi, vous les installez. On les a installés ensemble, mais dans des lieux où, voilà, un petit peu repères et sympa. Sinon, je pense qu'il faut continuer à inviter et continuer à mettre en valeur le bois ou les arbres qui tombent. Là, en ce moment, on est un peu pris par le... Ici, ça va, les scolytes ne sont pas arrivés encore, mais du coup, je pense qu'il faut vraiment faire honneur au moindre volume de bois qui soit pour se chauffer, pour se protéger, pour etc. Et du coup, cette initiative, ça a été de mettre en valeur une ressource d'ici. Je crois qu'il y avait eu le parc des ballons qui s'était intéressé à notre projet. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je te passe le relais. Non, bah, juste. Oui, donc c'était le parc des ballons qui avait fait ballon en balade en 2013. Et donc, effectivement, Fred, à qui je vais passer la parole, Fred, bien sûr, a eu l'idée de ce monument particulier à qui il manquait une dénomination, puisqu'il était resté 8 ans, il a été fait en 2013, mais l'inauguration a eu lieu en 14. C'était le parc qui avait lancé une grande série de ballons en balade, dont la Casmus était la partie la plus importante. J'ajoute que grâce à Francis, qui vient de parler, on a eu une collaboration de trois communes très forte. Ventron, qui a beaucoup participé pour les bancs, hein, le Ménil, et bien sûr Busson qui a beaucoup participé pour ce tétraèdre qui a été installé par Fred et moi-même à l'époque Fred disons, et on l'a amené et puis il a été réparé à un moment donné parce qu'il avait été abîmé par des grumiers et donc il a été réparé par la municipalité de Busson. Donc je te laisse, pourquoi cette idée, toi sculpteur? Déjà, je tiens à remercier les personnes que tu as remerciées, mais aussi la seule personne que tu n'as pas pu remercier, parce que c'est toi-même, et que tu as fait preuve d'une endurance quand même pour mener le projet dans la longévité qui marque le respect. Quoi. Et donc... Ensuite, le panneau, il a été. C'est grâce à quelle municipalité? C'est Busson. C'est Busson. Donc, je tiens principalement à remercier la municipalité de Busson quoi, pour sa contribution. Déjà, l'aide technique où j'ai été accueilli, mais vraiment nickel dans les ateliers et tout, pour pouvoir refaire le. Parce que les débardeurs, ils avaient arraché même les pierres et tout, hein, il n'y avait plus rien. Quoi. Ça faisait un peu mal quoi. Et puis ensuite c'est vrai que le panneau il a quand même une utilité parce que ce soit les bancs ou c'est vu que c'est en bois déjà ça se confond dans la nature et c'est bien et puis il y a une forme d'abstraction, c'est pas évident au premier abord de comprendre l'objet en tant que tel et puis il se confond vraiment bien, il s'intègre. Donc, je remercie vraiment la commune de Busson, puis les autres aussi, hein, mais principalement la commune de Busson. Quoi. Donc, après, tu me disais, tu m'avais posé une question, donc un homme politique, Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? C'est essentiellement parce que depuis tout petit, je vois des monuments aux morts pour 14-18, 39-45, hop. Que je trouve très important parce qu'il faut se souvenir de pour ne pas refaire. Mais au fond de moi, j'avais un peu la sensation que c'était plus qu'on. Il y avait un peu comme une nostalgie, vivement la prochaine. C'est rémanent et tout. Et donc, je trouve important de faire de commémorer aussi le vivant. Quoi. Pas que la mort, parce que pour moi, les morts, il faut les respecter de leur vivant, ça commence de leur vivant, le respect. Et donc voilà, et pour que ça ait un sens, il fallait que des communes s'impliquent dedans, quoi. Parce que tout comme les monuments aux morts, qui étaient pris en charge par les communes, pour qu'il y ait un sens, il fallait que le monument aux morts soit pris en charge. Donc, merci aux communes qui lui ont aussi donné un sens. Voilà. Merci Vincent. Merci à toi, surtout. Voilà. Je vais passer la parole à monsieur le maire de Busson, Bachiraïde. On va faire vite fait. Hein oui, mais enfin, bien fait. Non, monsieur. Non. Oui, comme vous voulez. Parce que je pense qu'il y en a qui ont soif. Ah oui, oui. Ah ben on va chanter quand même d'abord. Hein. Puis c'est pas ça, j'ai un bourguignon qui m'attend. Oui, d'accord. Non, merci Vincent. Super d'avoir mis une plaque. Parce que tout le monde qui se promène ici, ils savent pas ce que c'est. Au moins là, maintenant ils savent ce que c'est. Et puis c'est aux frontières des trois communes. Voilà, justement, C'est ça qui est bien. Donc ici on est sur le métier d'ailleurs. Comme le garde est là, il faut qu'il fasse attention la prochaine fois qu'il débarde. Étant donné qu'on est même côté 23, normalement, ça devrait passer. 23 est juste là. Bon. On est de l'autre côté du mur. Et Busson, là. Voilà. Voilà. Donc Busson, ça devrait aller. Bon. 23, je ne garantis rien. Voilà, et puis je viens d'entendre monsieur qui a dit Vincent, faudrait qu'on le mette au patrimoine de l'UNESCO. Attendez un peu quand même. Attendez un peu quelques années quand même. Voilà. Donc on peut toujours lancer l'idée. Hein. Voilà. Voilà. Merci Vincent. Merci. Et puis bonne continuation. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Jean-Marie Chivot pour le tuyau. Oui, parce que le tuyau. Ah, non, mais il faut dire que le Thiot a un bout de forêt, là. Oui. Et puis l'idée, c'est quand même, puisqu'on avait... on ne sait pas s'il y a, personne de Fraisse, à l'époque, il y avait quelqu'un, M. Babel, bon, personne de... M. Toustessier de Vintron n'est pas là, bon, il nous a beaucoup aidé, enfin, ancien maire, et puis Duménil aussi, M. le maire Duménil nous avait aidé. Bon, bon, donc s'il y a un autre officiel qui veut prendre la parole, eh ben, je vais simplement demander à nos chanteuses et musiciens de quand même d'honorer, après elles pourront continuer pendant le pot, mais Aïssat, Sylvie, laquelle veut commencer, nous faire une chanson d'honneur. Je dirais, après, ça sera des chansons, parce que ce sont donc Aïssat, je l'ai invitée parce qu'elle est très... Elle est venue souvent à la 15 Mus. On avait décidé, d'ailleurs Francis avait décidé, que chaque année, on monterait à la 15 Mus pour le tétraèdre et pour la forêt. C'est ce qu'on a fait pendant des années, avec plus ou moins de monde, ça dépendait. Mais là, vous voyez, et c'est d'où l'idée de faire quelque chose qui soit plus durable, visible. Et peut-être, alors, c'est une utopie, mais pourquoi pas, dans une optique intercommunale, voire intercommunauté de communes, une valorisation, on en parlait, Jean-Marie, une valorisation de la forêt entière, avec appendice jusqu'à Saint-Maurice, Cornimont. Donc là, il y aurait un projet qui reste à établir pour le futur. Voilà. Aïssat, à toi. Aïssat qui est tout à fait dans l'esprit de ce tétraèdre, puisque tu peux dire un mot de ton action dans les peuples. Alors, je vais essayer d'être brève. Hein. Pardon d'abord parce que je parle beaucoup, mais je vais essayer d'être brève. Alors moi, je suis née ici. Je suis née comme beaucoup de Vosgiens et Vosgiennes de ma génération à la maternité de Remiremont. J'ai grandi au Thiot et j'y suis très fortement attachée. Et donc, j'essaye tant bien que mal de créer des passerelles entre ici et là-bas, qui est une autre partie de là d'où je viens, qui s'appelle le Fouta, qui est une région comprise entre la Mauritanie et le Sénégal. Et dont j'ai remarqué qu'en fait, on connaît peu de choses ici. Et je trouve ça très dommage, quoi, parce que je sais que comme tu disais, tu parlais de ce côté-là attirant des Vosges. Et mon papa, et ce qu'on a en commun ici, je pense, avec les Vosgiens, c'est que nous, les Peuls, on a un lien spécifique avec la nature et aussi les vaches, les bovins, les zébus. Et je pense que c'est pas anodin, c'est pas un hasard si mon papa, il a parcouru ces milliers de kilomètres pour arriver ici. Et donc là, maintenant, il est plus de ce monde, mais j'essaye de marcher sur ses traces. Et tout ça pour vous dire que, ben voilà, j'ai une association qui s'appelle Chansons du Monde. J'écris des chansons un petit peu, voilà. Et là où on m'invite, ben je vais. Et tout ça, c'est pour avoir la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et sachant qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et ben, je dis souvent, moi, je suis vosgienne, mais ça se voit pas tout de suite. Parce que c'est vrai que, bon, ben, quand tu vois le look, voilà. Et c'est un petit peu compliqué, ça, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Et j'ai fait aussi, donc, du coup, pour concrétiser tout ça, avec une camionnette, je reviens d'Afrique, là, en fait, j'ai ramené une camionnette, une ancienne ambulance militaire, et donc, on a fait un tuyau foot à Tours. Et tout ça, si tout ça vous intéresse, messieurs, dames, eh ben, on pourra se capter ailleurs, autrement, sur la toile et tout, lors de concerts ou d'événements. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Tu as été impeccable et maintenant on va une petite chanson officielle avant les officieuses pendant le pot. Une chanson officielle, officielle, de Sylvie Leguet qui également anime beaucoup de Brigitte, on l'appelle Brigitte, hein, et qui anime beaucoup de soirées musicales dans la région. Et Sylvie Leguet de Cleury et Bouvacotte, en fait, les deux. J'ai repris une chanson, on a parlé beaucoup de paix en fait, et je prends une chanson qui parle aussi de la paix à travers la guerre, c'est Maria de Jean Ferrat, parce que je trouve qu'en fait on parle de la vie, mais autour de nous, si on s'écarte un petit peu, on oublie les valeurs de la vie, on oublie les valeurs de la bienveillance et de l'amour en général. Donc je vais vous chanter Maria de Jean Ferrat. Puis après vous pourrez repartir quand Christophe aura chanté encore. Faut encore attendre Christophe. Ah ben Christophe, ah ben tu marqueras la fin. La fin du moment officiel. Parce que nous après on boit un coup en fait. Maria avait deux enfants, deux garçons dont elle était fière. Et c'était bien la même chair. Et c'était bien le même sang. Ils grandirent sur cette terre, près de la Méditerranée. Ils grandirent dans la lumière, entre l'olive et l'oranger. C'est presque au jour de leurs 20 ans qu'éclata la guerre civile. On vit l'Espagne rouge de sang, crier dans un monde immobile. Les deux garçons de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'était pas du même combat. L'un était rouge, l'autre blanc. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlaient, et lequel des deux s'est tué sur le corps tout chaud de son frère? Aidez-moi. On reprend le couplet. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlaient. Ça y est, je suis perdue maintenant. Vous allez être obligé d'attendre. Je trouve plus. Et lequel des deux s'est tué? Côté là, c'est du sang. Sur le corps tout chaud de son frère. Pas tout ce qu'on fait, c'est qu'on les retrouve ensemble, le blanc et le rouge mêlés, à même la prière de la cendre. Si vous le et le garçon de Maria n'étaient pas du même combat. L'un était rouge, l'autre blanc. Je voulais juste dire qu'en ce moment, on entend parler de la Saint-Barthélemy, donc les guerres de religion, les guerres entre frères, les guerres entre couleurs, les guerres entre tout. Soyons attentifs, ça va très vite. Pensons juste à bienveiller l'autre et à se bienveiller d'abord. Et je pense que la paix aura beaucoup plus de chances d'être là. Bon, pardon pour les couacs, ça fait partie de la vie. Bah, c'est vrai. Bravo. Alors, Christophe va clôturer cette partie officielle par son Buchner, son Buchner. La trompette de l'Aranda. Si ça attache au fond. Ben, c'est pas bon, hein. Si vous le brûlez. Ça, c'est bien, c'est l'officiel fouillou. Merci Christophe, qu'on pourra entendre après-midi dans la pièce de théâtre où les Toulousains avec plein d'autres instruments, de cordes notamment, des épinettes. Ça sera à la salle des fêtes, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'on a au moins une actrice qui n'est pas très en bon état, la fraîcheur, voilà, et donc qui préfère jouer en bas. Donc on avait prévu en cas de mauvais temps, bon, il sera peut-être bon mais frais, donc c'est peut-être dommage, mais donc ça sera, d'après ce que j'ai entendu, à la salle des fêtes à 16h30, avec Christophe notamment. Et pour finir, ça sera ça. Et bon, il y aura des affiches qui seront mises pendant quand on redescendra pour officialiser mon propos. Donc c'est à Rochelotte notamment, un peu partout. Bon, c'est comme ça. Mais on est quand même content ce matin, c'était extra. Merci à ceux qui ont, merci à tout le monde et à ceux qui sont venus à pied et en voiture aussi, impossible. Les deux, mais à pied encore, c'était bravo. J'ai oublié simplement, mais je vais pas faire un cours. La 15 mus, c'est un immense domaine. Pas loin d'ici, ici, c'est une ancienne somme du 17-18e siècle. Sur la dernière pierre là-bas, il y a une croix de Lorraine. Et on est juste donc à la jonction des trois communes. Là, je suis un peu sur le Ménil. Juste après, de l'autre côté du Tétrel, c'est Bussan. Et là, c'est Ventron. Mais on a aussi le Thiot qui a des territoires pas loin, et Fraisse. Et puis on a Cornimont. On a Saint-Maurice qui sont dans une un peu plus loin, parce qu'il y a aussi une pierre des trois communes là-bas. Bon. Et donc, voilà. Et puis ici, dans le secteur, mais Francis Pierre, qui s'excuse, a beaucoup travaillé sur les carrière de l'abbé Morisot. On avait fait une conférence à l'époque. L'abbé Morisot qui avait exploité du granit pour en faire de l'engrais, juste en bas de Fort Goutte, en bas du chalet de Fort Goutte. On voit encore les installations, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. On fera des visites plus tard. Et les mines d'or que l'abbé Morisot, les fameuses mines d'or de la 15 mus, que l'abbé Morisot, à la fin du 19e siècle, avait voulu exploiter. Puis paraît-il qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'or, mais il y en a qui disent qu'il y en avait, notamment. Je pense à Dédette, mon chapeau, il est mort. Dédette qui pensait qu'il y avait de l'or. On a bouché un petit peu les galeries pour pas, parce qu'elles s'effondraient. Mais il y a des galeries, il a fait creuser, il espérait trouver de l'or. Bon, il y a eu toute une histoire, un procès, etc. Tout le clergé de France qui cotisait pour avoir des parts de l'or de Bussan. Mais l'or, il est quand même dans la tête. Et c'est quand même une forêt assez fabuleuse, que j'ai appelée par ailleurs notre Brocéliande. Et ça, c'est une espèce de, aujourd'hui, de résurgence de tout ce qui a été entamé par Francis, Frédéric, il y a neuf ans, maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, il n'y a plus que, je remercie Zézia qui a préparé déjà pendant qu'on causait, préparé tout. Et pendant ce temps, on aura quand même les chansons, les musiciens, qui, pendant que vous buvez un coup, boiront un coup, mais pendant qu'ils ne boiront pas, ils pourront chanter pour égayer vos oreilles. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous. Si j'en ai oublié, pendez-moi au tétraèdre. Sinon, j'espère vous retrouver pour les 50 ans du tétraèdre dans quelques siècles, années. Voilà. Et merci à la presse aussi. Voilà. Et Radio Guémozo était là aussi. Voilà. Allez, à boire, à boire, à boire. Moi, je voulais juste rajouter quand même. Je voulais dire merci à Vincent parce que c'est avec le cœur. Et en fait, tout ce qui est organisé, on n'est peut-être pas beaucoup, mais tout se fait avec le cœur. Et vraiment, merci Vincent. Merci. Merci. Voilà. Pour tout ce que tu fais. Alors là, merci pour tout ce que tu fais. Je suis comblé. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller boire un coup pour sceller ce moment quand même merveilleux, comme cette forêt. Oui. Bon, hier, j'écoutais sur France Culture une émission sur les lieux qui ont un esprit, les lieux qui ont des vibrations. Là, ici, c'est un lieu vraiment étrange. Il y a tout un tas d'histoires, mais en partant, vous irez quand même voir l'arbre de la sorcière. Je ne sais pas s'il y a un arbre avec quatre pattes, c'est l'arbre Baba Yaga. Voilà, il y a aussi plein de sorcellerie, de mystères, de légendes. Et voilà. Et à bientôt, à tout de suite. Merci Vincent. Tu descends quand tu prends le chemin à gauche, il est sur ta droite. Quand on est seul, on avale à l'égoïne. Donc ça va moins vite parce qu'il n'y a pas le terrain de chaque côté. Du coup, de donner un coup de main à mon père à l'époque et la confiance qu'il m'a apportée m'a donné des ailes, franchement. En plus, il y avait à l'époque la forêt qu'on entendait nature, il n'y avait pas de tronçonneuse, ou alors les potes qui avaient tronçonneuse plus loin. Mm-hmm. Mais j'étais porté par cette nature-là. Et se retrouver à on va dire, remettre en valeur des arbres qui étaient tombés à l'époque à travers ces sièges, montre toute l'énergie. Alors, on est passé, comme tu dis, d'une dizaine au départ à 80. C'est ça la réponse. C'est toute cette énergie que apporte la forêt pour en arriver à être généreux et simplement accueillir au maximum qu'on puisse le faire. Et je notais cette résonance avec le fait que tu viens de très loin nous apporter un peu cette musique de la montagne qu'on n'a pas toujours à l'esprit. Cette mise en valeur, moi j'apprécie ça au plus haut point. C'est justement parce que ça appelle. Ça m'a appelé et ça m'a appelé de tout temps, mais c'est plus précisant. On a rentré bien. Au revoir. On a aussi Giono entre nous, on retrouve cet esprit. Oui. Salut. Oui. Ma foi, donc le devenir est là. Hein. J'enregistre en même temps, je me permets, parce que c'était trop beau ce que tu disais, parce que c'est pour la radio aussi locale. Oui. Donc, tout à l'heure, tu parlais de signaler, oui. D'apporter des précisions sur les lieux et tout. Au revoir, à bientôt. À très bientôt. Merci à ça. Merci. Oh, très bien. Merci aussi. Au revoir. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci toi. Voilà. Oui. Ce qui serait bien, c'est de retrouver cet esprit de cet élan justement de. De tout ce qu'on peut faire. Parce que les panneaux, c'est important de signaler où on est, etc. Ah ouais. Ça va. Ouais. Ouais. T'enregistres ? Oui, j'enregistre parce que c'était trop beau ce qu'il disait. Non, ce qui serait bien, c'est de ne pas perdre cet élan-là. Voilà, je peux dire. Tu as raison. Qu'on note, qu'on mette en valeur les lieux par différentes signalisations, c'est super, mais c'est la vie qui compte. Salut mon gars. À bientôt. C'est la vie qui compte. De toute façon, tu as vraiment. Non, mais c'est de donner. Ben voilà, de se voir là, boire un coup de temps en temps, et pas se perdre de vue. Mais si on pouvait le faire en pleine canicule. Mais aux journées du patrimoine, c'est en septembre en général. Je sais, tout le monde dit ça. Non, en septembre, rigole, d'habitude, il fait beau. Non, mais là, au moins, on risque pas de mettre le feu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est bien. Non, mais quand il y a trop de canicule, c'est pas bon non plus. Non, je dis ça pour rire. Parce que pour moi, un mois de chaud. Ouais, donc c'est un appel à un futur. Merci tout le monde. Merci à toi d'être venu. On se retrouve bientôt. Tu es dans le coin, tu es sur Trujon. Oui, je suis là. Je te passe un coup de fil. Industriel, non, c'est pas ça, j'ai entendu un jour. Madame. Non, attends. Laquelle la femme de Maurice Potcher. Ah, la femme de Maurice Potcher. Camille Potcher, non. Elle était à Paris. Elle était antillaise d'origine. Camille de Saint-Maurice. Sans rapport avec Saint-Maurice-sur-Moselle, elle était antillaise. Et Maurice l'a vu jouer à Paris, parce que Maurice rêvait beaucoup de projets à Paris et tout ça, avec bon, ça aboutit au Théâtre du Peuple à Bussan, mais sinon il avait des projets avec les gens comme les Goncourt, je disais, comme Gémier, comme Zola peut-être un peu, oui, voilà. Donc, mais il connaissait, il allait voir la Dame de la Camille de Saint-Maurice, qui jouait la Dame de la Mer vers 1894, 91 plutôt. Elle jouait à Paris. Et non, mais sa femme était actrice. Et c'est là qu'elle a formé tous les acteurs amateurs par la suite. Alors, une femme qui avait longue fume-cigare, dit Frédéric Potcher, elle fumait, puis elle était autoritaire, comme ça. Alors que Maurice était gentil, tout doux. Bref. Ça, c'est le couple. Mais, alors, par contre, il y a eu l'aide, au Théâtre du Peuple, c'est Benjamin Potcher, son père, qui a aidé au Théâtre du Peuple, avec l'usine de couverts et d'étrilles pour les chevaux. Oui. Voilà. Ce qui est notable, c'est quand des gens viennent de loin, tu parles d'une dame antillaise, qui a joué un rôle dans le Théâtre du Peuple, du aussi. Quand on voit tout à l'heure cette belle personne qui vient nous apporter sa musique au soleil, on est en plein dans l'universalité. Oui. D'ailleurs, le théâtre, c'est par l'art pour l'humanité. C'est ça. C'est-à-dire, c'est local, si on veut, mais c'est universel aussi. Tout ce qu'il a pu apporter à Bussan, c'est extraordinaire. Alors moi, je peux vous raconter, si vous avez 5 minutes, l'histoire de Frère Joseph. J'ai entendu monsieur le maire de Ventron qui nous a dit ça justement sur la classe Mussicile il y a 2-3 ans. Il venait de Haute-Saône, ce fameux frère Joseph, qui est arrivé à Bussan, et il a demandé, enfin bref, petit à petit, il a trouvé un lieu pour habiter, mais à un moment donné, il cherchait un lieu pour s'installer. Et les gens de Bussan ont dit, nous, on s'en va, on propose d'aller sur Ventron. Et quand le maire de Ventron disait qu'à Ventron, la population avait accueilli Frère Joseph à l'époque, et puis qu'il avait créé quelque part un peu l'ermitage, enfin tout ce lieu, quoi, il dit on a de la chance d'avoir un Frère Joseph, d'avoir une population qui a accueilli cet ermite à l'époque. Alors qu'à Bussan, c'est pas pour faire des différences, mais c'est juste pour dire accueillir quelqu'un qui vient de loin, c'est un peu comme d'accueillir le rêve qui devient réalité. Et moi, j'aime beaucoup cette confiance à l'avenir, en l'autre, en fait. C'est tout simplement ça. Et ce qu'on a vécu avec les 80 sièges et puis tout le travail de Fred, c'est ça. C'est cette confiance entre nous pour réussir quelque chose de commun. Quoi. Mmh. Et je disais tout à l'heure, un peu comme un élan, on avait besoin de ça, de continuer, ne pas perdre de vue cette dimension-là. C'est ça. C'est pour ça, c'est à nouveau, c'est capital que tu sois là. Non, mais tu es dans l'esprit de... On ne peut pas faire autrement que d'être là. Moi, je n'étais pas annoncé, je voulais te faire la petite surprise. Ah, c'est une bonne surprise. Non, mais je ne savais pas trop. Josie est restée en Vendée. Là. Oui, bien sûr. Et du coup, je viens de voir à l'entrée, écoute, elle est dans un village qui s'appelle La Turballe. Je viens de voir à l'entrée de Bussan, village jumelé avec La Turballe. Oui, c'est pas génial, ça. Alors, je vais lui faire une photo de La Turballe, enfin de la fiche, puis je vais lui l'envoyer. Parce qu'elle est de Normandie, donc elle ne connaît pas encore tout à fait la région. Mais je trouve ça génial, quoi, les correspondances. Tu parlais de la Vendée, mais La Turballe, c'est en Loire-Atlantique, non? Oui, alors c'est toujours la limite entre la Bretagne et la Vendée. J'ai dit Vendée exprès pour provoquer, ça y est, c'est une réaction. Attends, la Vendée... non, mais parce que la Vendée, c'est pas plus au sud que... Ben c'est juste limite avec la Bretagne. C'est Guérande, c'est le marais de... Ah bon, merde. Non, parce que j'ai un truc au niveau géographique. Parce que c'est pareil, Saint-Nazaire, Nantes, c'est au sud de la Bretagne. C'est en dessous. C'est en dessous. Ah oui. Mais c'est pas loin. Mais ils sont comme avec la Normandie, avec le Mont-Saint-Michel. On est sur des terrains fragiles. Ouais, voilà. Mais depuis ici, on peut se permettre d'en parler. Historiquement, Nantes, c'était... Anne de Bretagne, elle habitait Nantes. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Anne de Bretagne, oui. Enfin, j'ai dit Vendée, mais Vendée-Bretagne. Vous êtes de quelle origine, vous? De l'Aisne. Ah, de l'Aisne, d'accord. Je suis né dans la Somme, je suis Picard. Vous êtes là comme ça, en vacances. C'est-à-dire qu'ils ont une maison à Cormimont, pour les vacances. C'était donc la 15 mus, le tétraèdre, à Forgout. Cette inauguration a été suivie l'après-midi par la pièce de théâtre Le Bal de toute vie, qui a été jouée en principe pour la dernière fois. Pour des raisons de température un peu frisquette, on s'est replié à la salle des fêtes de Busson, puisque ça devait avoir lieu là-haut, à la 15 Mus, autour de la tourbière initialement. Mais bon, ce n'est que partie remise pour d'autres animations, et peut-être pour la pièce, on pourrait la mettre sur YouTube avec les musiques de Christophe Toussaint et Michel Zénini. Voilà, donc, après cela, eh bien, nous allons revenir sur la Sélénite du 11 septembre. C'était le 10, la pleine lune, on l'a décalé d'un jour parce qu'on était en stage plusieurs de théâtre, excellent d'ailleurs, là aussi j'y reviendrai, avec Catherine Morrison et la FNCTA, grâce à Vincent Palmas, président du CD départemental, et on a donc remis ça le 11 septembre au soir, et vous entendrez un extrait de cette soirée qui s'est déroulée de façon très amicale et très spontanée, avec en particulier, vous entendrez le gong, assez humide d'ailleurs ce soir-là, il faisait humide, de Fanchon Coville, qui donne toute la tonalité, la vibration de cette soirée. Vous entendrez aussi quelques chansons en afghan que Oshang, un ami que vous avez déjà entendu et qui est réfugié à Épinal, va nous donner. Vous entendrez notamment la Paloma. Bon, c'est encore à mettre au point avec lui, musicalement, mais c'est très particulier. La Paloma et puis une autre chanson en afghan. Puis ensuite, on reviendra au gong et à cette extase de la pleine lune avec des poèmes de votre serviteur, de Marie-Pascale Godet, de Kiko Colin, qui lit un poème de Claude Vautrin. Voilà, donc tout cela dans une atmosphère très prenante. Magnifique lune. Attends, Ching. In Afghan sing? Yes. Traditional song? Yes. Yes. On the mountains? Yes. On all Afghanistan. It's a famous singer, Ahmad Zahir. Ahmad Zahir. Ahmad Zahir. It's big singer of all Afghanistan. Big. Big. Yes. Now he is in Lyon. Ah. Yes, he is coming now. 4 months ago, he is coming from. Ah, yes, it is good. Yes. He is playing good guitar. Yes. Good guitar. Professional. Really. Ah, yeah. Okay. Yeah. Il doit venir. Sélénite, 11 septembre 22. De l'une à l'autre, et je m'intime et je m'exprime à la cime des journées. Est-elle ombre la vie ou lumière de joie? Est-elle ce désir dessiné des étoiles? Et j'ai vu quelquefois Et t'as vu quelquefois? Et nous, avons-nous vu ce que l'ombre a cru voir? De l'autre côté de la caverne, brûlante, brillante, la clarté. Et au bout du crâne, scintille. Ah, donne-nous des crânes de braise, Artaud. Artaud, Outard, traverse notre espace et trace. Et t'as vu quelquefois, on a vu quelquefois, voyons-nous quelquefois. La lune scande, les espoirs assaillis, et pour Ève du cosmos ébahie. Monde cheval, tu portes notre rêve de vie, cartilage d'une espérance rassérénée et assénée. Les coups sur le cou du géant, qu'est le temps, qu'est le vent, qu'est l'entend et tout y coin. J'ai entendu le vent aux frontières des Èves, galaxie malaxée, mais explosion permanente. Et chanterelle de l'inouï, les siècles passent, les millénies, les millionies. Et toi, tu comptes, humain, appris et mal appris, tes propres heures de vie et de cri. Balbutiement des songes, les anges ont porté la musique des sphères aux oreilles des morts réveillés. Mords-nous les morts pour rappeler que notre vie est brève et éternelle, et les étoiles, certes. Lune allumée à l'unissage, aux rivages inconnus, oui, car terre des morts, Hécate, Luna, tu l'es, et tu l'es Ultima, au nord de nos étoiles polaires. Ultime atome, la branche oubliée de l'espace, sécrète les azurs allumés. Les sanglots longs des violons de l'atome explosent noirs. La matière initiale danse au bal des abîmes, où s'abîme tout et tout, et un peu plus. Sois calme, ô ma pâleur, et tiens-toi donc tranquille. La force, la face livide des choses, et ronde pourtant, et joyeuse, Luna, les son premier son des sillages, adage, adagio, andante, ardente. L'ami Mozart est un enfant qui n'a pas fini de tisser le voile, la chape, la texture du paradis. Paradis, paradisio, vertical, qui aspire l'infini, qui l'inspire auréolé des lunaires premières, qui poupées multipliées écarte l'horizon haleté. Pareil, Estelle, et moi, et nous, peut-être, là-haut, là-bas, là, tout, rire. Vous savez pourquoi on rit? Parce que cet après-midi dans le stage, la dame du stage, elle nous a appris à rire avec le ventre au théâtre. C'est tellement bon de rire. Hey! Hey! Hey, put something. Fais ici, tu viens? Oui. Tu vois, je suis en bien de plus là. J'ai froid. Ah bah là, elle est complète. Ah non, c'est pas après la lune, c'est plus après la lune. C'était hier. Wow. Hier. Ah enfin, oui. C'est encore. Petit message texto de Christophe. Ah! Christophe Philippe. Dans l'amour, le secret de la lune, une énergie au reflet magnétique tout autour. Je fonds. Merci à lui. Christophe est en train de fondre là-bas. Et il fond de ne pas être avec nous. Sa voix retentit dans nos oreilles, oui, de tout ce qu'il pourrait clamer. Christophe. Et Kiko. Allez, à toi, Kiko. Go, on travaille avec MP. Ah bon, c'est lequel alors? Ah, tu veux faire... Allez, c'est tous. Oui. Allez. Alors, qu'on aille voir. À toi, Kiko. Attends, à, pas. À vous. Mais MP. Dis-moi, tu veux. Comme hier. Thank you. allez-y. Feu de glace et froid. Il se déchire, singulière, naufrage ordinaire. Il s'exile sur un temps silence, paresse pareille. Rêveries intemporelles, charme des ombres et plein soleil, il attend, se recueille, sort du temps, il veille. Il explose à l'éternel recommencement des choses. Il embrase, osmose au vent rose, lent dévalement des laves, fournaise, roc et crépitement, courbes aux mauves du soir. Calligraphie, hiéroglyphe, arabesque, émouvante mouvance, naturelle fresque. Il s'écartèle aux éléments, ouvre son sexe, sa fesse, chant, résonance, il s'avance, sombre sur l'étal d'opale, verse son suc tellurique au sel indien océanique, marine bruine en brun fin, basalte et corail, feu de pierre et fièvre, flambée des alizés. Il ensanglante l'océan. Alcools et fumées, thé vert de Chine, caféine, au paradis de tous les artifices, entre deux percées d'éternité, transparence du temps, gouffres et précipices, dépression climatique. De l'Afrique et des côtes indiennes, de la Caraïbe et de Cuba, les sons de l'extérieur prennent racine en île, se cognent et moringuent en ailes, entre récifs et galets, fond de cœur, fête caf, cabar. Odeur de mangue, chanvre indien sur ciel austral, érection cérébrale au balai des astres dans la nuit dense, tropicale. La lune rouge et ronde, équinoxiale, se mire dans le grand océan. De mémoire d'Adécalum en récit de marronnage se transmet l'histoire noire dans les écarts, dans les îlets. Dans le flanc des montagnes servissent cabaret, rhum, zamal, trésor, maloya, nombril secret caché dans les terres intérieures. éphémère, la vague. Née de la lave océane, avide et destructrice, gourmande et parturiante. Éphémère, l'insecte offert, en de vibrants clairs obscurs, à l'infinie clarté sidérale. Éphémère, l'instant saisi pour initier, illuminer le parcours d'une destinée. Éphémère, l'intuition salvatrice, enchanteresse, libératrice. Éphémère, le geste mariant les formes, la magie nommant les mots, le son révélateur de l'œuvre, toujours inachevée. Une fenêtre filtre un rayon de poussière, une porte s'ouvre sur l'étroitesse de l'instant, un point fend l'horizon décadent. Sur la route, un obstacle se fait guide et aimant. Éphémère, éternel fur, sont, seront le mouvement fondateur, l'acte prometteur. Claude Vautrin. C'était donc la Sélénite du 11 septembre. Et maintenant, je vais vous faire entendre une prestation qui s'est déroulée au Théâtre du Peuple l'avant-dernier samedi d'août, et c'était une lecture de Sonny Laboutanzi. Vous ne connaissez peut-être pas Sonny Laboutanzi, c'est un auteur africain très percutant que Monique Blin avait fait connaître. Alors Monique Blin, c'était ce qu'on appelait à l'époque une sage du théâtre, qui avait été choisi, ainsi que Jacques Ralite, Michel Bataillon, Pierre Barat, pour, en quelque sorte, conforter la solidité nationale du théâtre. Alors, Monique Blin est décédée en février, je crois. Oui, en tout cas en début d'année. Et Jean-Claude Berruti et François Ranciac ont voulu lui rendre hommage. Jean-Claude Berruti, ancien directeur du Théâtre du Peuple, ancien directeur artistique, oui, metteur en scène, et François Ranciac, de même. Tous les deux sont l'un un nouveau sage, Jean-Claude Berruti, et un président de l'Association du Théâtre, François Ranciac. Voilà, donc, à remarquer une chose, on a commencé les lectures dehors, près de la tombe de Maurice Potcher, là, à l'endroit dévolu. Mais tout d'un coup, la pluie nous a perturbés, et François Ranciac nous a fait rentrer dans le théâtre, dans la partie salle, où nous avons continué à lire, avec néanmoins là le bruit d'une pluie très forte sur le toit du théâtre. Enfin, ça n'empêche pas l'intérêt de cette lecture, au contraire, elle a été suivie et soutenue par un enthousiasme comme la plupart des prestations du Théâtre du Peuple d'ailleurs cette année et les autres années. Donc, Sonny Laboutanzi, hommage, avec un extrait d'une de ses pièces aussi. En fil rouge. Il paraît que je dois commencer. Moi, j'ai la charge de vous parler de Monique Blin, que certains d'entre vous ont connu et beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Mais si on veut vraiment parler de Monique Blin, il faut raconter 60 ans de décentralisation du théâtre français. Donc je vais essayer d'être très bref. Lorsque François et moi, il y a... François Ranciac Jean-Claude Berruti. Tout le monde nous connaissait. Oui. Nous avons été nommés à la tête de la Comédie de Saint-Étienne. Monique Blin était une toute jeune retraitée. Elle venait de quitter la direction des francophonies à Limoges. Et Monique nous a dit deux choses qui racontent bien son caractère. La première chose, ça a à voir avec la décentralisation. La deuxième, ça a à voir avec l'Afrique, qui étaient deux grands soucis de Monique. Et elle nous a dit, François, Jean-Claude, on ne vous a pas dit, personne ne nous a dit ça dans les dossiers, surtout pas le ministère, mais il y a une mission très importante. Ça s'appelle l'éducation des élus. Elle savait de quoi elle parlait, évidemment. Elle les avait pratiqués et à Nanterre et à Limoges et encore bien ailleurs. La deuxième chose qu'elle nous a dite, elle nous a dit, bon, puisque vous êtes là tous les deux, maintenant, on va partir à l'Afrique. Mais il ne faut pas aller au Burkina Faso, il y a déjà des tas de trucs au Burkina Faso, il ne faut pas aller au Bénin, non, on va aller défricher, on va partir au Togo. Et donc, on est parti au Togo, alternativement François et moi, et nous avons fait un pont entre Lomé et Saint-Étienne. Ça veut dire que nous accueillons régulièrement des auteurs, des administrateurs, des comédiens qui venaient d'Afrique. En sens inverse, nous sommes allés animer des stages, on a envoyé du matériel, on est parti en tournée, etc. Voilà, ça c'est pour situer Monique Blin, le type de caractère trempé. Parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, oui, ça c'est très important. Quand on arrivait dans une ville en Afrique avec Monique, elle avait déjà téléphoné partout, y compris le téléphone africain. C'est-à-dire que tous les soirs après les séances de travail, il y avait des auteurs, des politiques, des éducateurs, le directeur de l'Institut culturel français, il n'avait pas le choix non plus, qui arrivait à l'hôtel et on prenait l'apéro. Toujours du whisky. Et Monique était nommée par toute l'Afrique francophone, Madame Baobab. Voilà. Ça, c'est pour aussi faire une sorte de portrait de Monique. Maintenant, si on fait un peu de chronologie quand même, il faut faire un peu de chronologie. Monique, elle a commencé dans le théâtre public. Elle a été tout de suite une femme de théâtre très remarquable aux côtés de Pierre Debauche, qui, avant d'avoir un si beau théâtre qui s'appelle le Théâtre des Amandiers à Nanterre, ça s'appelait déjà Les Amandiers, mais c'était au fond d'un terrain vague. J'ai bien connu ce théâtre. C'était un truc à peine construit. Et Monique a travaillé auprès de Pierre, et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, un peu en amont de Pierre Debauche. Pierre Debauche était un poète, c'était un artiste, mais côté direction, il n'était pas tout à fait à la hauteur. Monique a fait des choses formidables. C'est par exemple Monique qui a lancé tout le chantier de ce qui a été dans les années 70, le Théâtre des Amandiers, qui était un des plus grands théâtres de France. Et puis, dès que le théâtre a été fini, ça je m'en souviens très bien, j'étais jeune assistant de Pierre Barra, Pierre Debauche, il se baladait dans le théâtre avec un nez de clown. Il en avait marre, il a vu son gros machin, ça ne lui plaisait plus. Il est parti, je crois d'abord à Rennes, avant de se retrouver à Limoges. Et là, la ville de Nanterre, on va dire, a nommé quelqu'un que je ne citerai pas, qui était un réalisateur de télévision chevronné, mais qui n'avait rien d'un directeur de théâtre. Et au bout d'une saison et demie, Monique trépignait parce qu'elle trouvait que c'était vraiment pas bien. Et c'est elle qui est allée chercher Patrice Chéreau et Catherine Tasca pour le seconder, quand même. Donc, ça vous donne un peu une idée du type de personnage, un caractère extrêmement fort. Et puis Monique est arrivée aux francophonies. C'est là qu'elle a développé tout un partenariat avec l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. À Limoges, donc. À Limoges, oui, pardon. Hein, Madame Baobab, ça vient de là. Autant dire qu'elle a fabriqué de ses mains des auteurs à Nerbe, mais qui avait besoin d'être soutenu et stratégiquement et de tas de manières avec des résidences à Limoges. Sonny Laboutancy est vraiment l'auteur le plus connu qu'elle a aidé à grandir. Et puis une fois qu'elle a quitté les francophonies, Monique a créé une association dont j'ai pas le nom, mais Écriture Vagabonde, qui était destinée à mettre ensemble des auteurs du Nord et des auteurs du Sud. Autant des Libanais que des Québécois, des Belges, des Français, des Béninois. Et ça, ça existe encore aujourd'hui. Maintenant, c'est Mohamed Kassimi qui a pris la tête de cette association. Voilà. Et quant à moi, parce que j'ai rencontré Monique quand j'étais assistant de Pierre Barra, donc il y a très très longtemps, un jour je lui ai dit, je ne sais plus, au cours d'une conversation, ou plutôt c'est elle qui m'a parlé d'Allemagne de l'Est, puisqu'on parle de Hamlet Machine, et elle avait beaucoup de relations avec l'Allemagne de l'Est, et en particulier avec un metteur en scène qui dirigeait la Komische Oper, l'opéra comique de Berlin. C'est un metteur en scène que j'admirais beaucoup. Elle m'a dit, tu vas aller faire un stage à Berlin, tu vas aller faire un stage à Berlin. Voilà, ça c'était absolument Monique. C'est tout, mais je pense que vous avez déjà pas mal pour comprendre ce que vous allez entendre. Aussi ton dire rôle que... au Théâtre du Peuple, explique ton rôle oui, qu'elle a eu. Oui, c'est ça. Ah oui, excusez-moi, mais François va sûrement le faire, si tu veux. Vas-y. Quand Jean-Claude donc, a dirigé le Théâtre du Peuple, il a inventé vraiment, avec le président de l'époque, Pierre Champ, qu'on appelle les sages. Donc il a proposé, invité quatre grandes personnalités du théâtre à venir ici pour partager leurs réflexions, leur expérience avec l'association du théâtre. Donc il y avait un certain Jack Ralit, qui doit vous dire quelque chose, Michel Bataillon, grand dramaturge, compagnon de route de Planchon, Pierre Barra, que Jean-Claude a cité, qui a dirigé très longtemps la Comédie de Colmar, et puis Monique Blin. Et ces quatre larrons, vraiment, ont insufflé une énergie, une exigence aussi intellectuelle, ont recentré le travail aussi dans la grande lignée du théâtre populaire que, dont Maurice Poitcher, on peut dire, est un des fondateurs. Voilà, et donc Monique a donné de son temps, de son énergie pendant 18 ans au sein du conseil d'administration. Après, comme les trois autres, elle a voulu transmettre. Donc maintenant, ce sont quatre nouveaux, non pas sages, ils ne veulent plus être appelés sages, mais quatre conseillers au sein du conseil d'administration de l'association. Voilà, qui nous font partager leur expérience, leur point de vue, leur expertise, leurs questions, etc., etc. Donc Monique est décédée l'an dernier, à peu près. En janvier. Oui. Donc ça nous semblait évident de lui rendre hommage. Et comme Monique n'a pas écrit, toute son œuvre, ça a été de construire et d'accompagner, de transmettre. On s'est dit que effectivement, c'était bien de lui rendre hommage en essayant à notre petite mesure de vous faire entendre un auteur, effectivement, comme l'a dit Jean-Claude, un des auteurs les plus connus parmi les centaines et centaines d'auteurs, de metteurs en scène, d'artistes d'Afrique, comme du Moyen-Orient, comme du Québec, qu'elle a soutenu et elle a accompagné. Donc, ce fameux Sonny Laboutanci. Donc, moi, je vais vous dire juste un petit portrait, quelques infos sur cet auteur qui, malheureusement, n'est pas encore assez connu, malgré son talent. Voilà, vous ayez quelques idées avant de rentrer dans la lecture. Donc, merci Jean-Claude. Il est né... Sonny Laboutanci est né en 47 au Congo belge, qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Mais très vite, à l'âge de, je crois, 10 ans, il a été scolarisé de l'autre côté du fleuve, donc au Congo français, puisque c'était encore les temps de la colonisation. Donc c'est l'actuelle République du Congo ou Congo-Brazzaville. Il a vécu en fait toute sa vie au Congo-Brazzaville. Il a gagné sa vie comme professeur de français et surtout d'anglais. Et c'est d'ailleurs comme enseignant qu'il dit avoir commencé à faire du théâtre avec les élèves, pensant que c'était une bien meilleure pédagogie de faire du théâtre avec eux plutôt que de leur demander de réciter par cœur voilà, des textes qu'ils avaient appris dans leur livre scolaire. Il a écrit des récits, des poèmes depuis l'âge de 11 ans. À 13 ans, sans scrupule, il envoie un premier roman aux éditions du Seuil. Il disait qu'il avait trouvé l'adresse sur la couverture. Et les éditions du Seuil lui répondent sur trois pages pour lui dire, pour résumer, il y a quelque chose, il y a du souffle, mais travaillez jeune homme. 20 ans plus tard, il renvoie un manuscrit, le manuscrit de La vie et demie. Et le roman est immédiatement publié par les éditions du Seuil. Et c'est un immense succès, autant en France qu'à l'étranger. Il y a quantité de traductions qui sont parties très très vite après. Suivront d'autres romans, tous publiés au Seuil, tous aussi étonnants par leur écriture, leur imaginaire, leur virulence politique aussi, l'antépeuple, l'État honteux, les sept solitudes de Lorsa Lopez, etc., etc. Parallèlement, il écrit des milliers de poèmes, des pamphlets, des lettres ouvertes, dont une à Jacques Chirac et deux à François Mitterrand, des textes politiques, quantité de pièces de théâtre, dont beaucoup sont encore aujourd'hui inédites. Des pièces qu'il met en scène lui-même, avec des enfants, avec des amateurs, avec des professionnels, parfois tous mélangés, notamment dans le cadre de sa troupe, le Rokado Zulu, qui était basé à Brazzaville. Malgré la censure des dictatures successives, malgré 1000 déboires avec les autorités et des vexations imposées par le ministère de l'Enseignement, vous en entendrez quelque chose tout à l'heure. Il ne lâche jamais, il ne négocie jamais avec sa liberté intellectuelle, politique, esthétique. Donc dès la création du Festival des Francophonies de Limoges, en 1984, Monique Blin découvre son travail au Congo. Et dès l'année suivante, elle l'invite à Limoges, avec sa troupe, à présenter un spectacle, La Rue des Mouches. Il reviendra quasiment tous les ans à Limoges avec de nouveaux textes, avec de nouveaux spectacles, qu'il a souvent mis en scène, et ça, il adorait ça, en collaboration avec des metteurs en scène français, comme Guy Lenoir, comme Pierre Vial, qui a joué ici, Daniel Mesguich, Michel Rostin, Jean-Pierre Klein, et j'en passe. Entre 1991 et 93, le pays connaît une très courte parenthèse démocratique et Sonny Laboutancy s'implique directement dans la vie politique. Il sera même élu député de son district. Mais un énième coup d'État ramène la dictature, avec évidemment la complicité de la France, et Sonny doit quitter la capitale et se cacher en province. Sa femme, qui est infirmière, contracte le sida à l'hôpital. Sonny tombe malade, interdit de quitter le territoire. Il mourra, faute de soins, en 1995, donc à l'âge de 48 ans. Pour donc continuer à notre petite mesure, à poursuivre le travail considérable mené par Monique, on va donc essayer, à travers une petite lecture de 50 minutes environ, à vous faire découvrir, vous faire goûter un peu la langue, la pensée, l'insolence du génial Sonny. Donc, avec un montage de textes, des textes très différents, il y aura 3 extraits d'une même pièce, je sous-signé cardiaque, un poème et un collage d'interviews, de textes écrits, où Sonny déploie en toute liberté sa pensée artistique, politique et philosophique. Car vous l'entendrez, Sonny Laboutancy est d'abord un grand humaniste. Il n'aurait, je pense, pas renié la devise de notre grand Maurice Potcher, le fondateur de notre Théâtre du Peuple, par l'art pour l'humanité. Merci à toute l'équipe du Théâtre du Peuple, merci à son directeur de nous offrir cette tribune, merci aux acteurs et actrices amateurs que vous allez entendre, qui sont presque tous membres de l'association du Théâtre du Peuple, Vincent Decombis, Marie Montémon, José Thomé, Laure Thuayon, Sylvie Thuayon, Yvain Vitu et Alma Struve, qui est encore trop jeune pour être membre de l'association, mais ça ne saurait tarder. Bonne lecture. Pensez évidemment éteindre vos machines infernales. Merci. Je sous-signé cardiaque, extrait 1. Au fin fond de la République Lébango, chez M. Perronneau, riche propriétaire espagnol, immense villa au luxe insolent, Malo entre. C'est le nouvel instituteur, j'imagine. Oui, monsieur. Salvatore Perronneau. Malo Bayenda. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Whisky, Cinzano, Martini, monsieur l'instituteur. Rien, merci. C'est un sale coin. Mon paradis. Vous n'êtes pas exigeant, monsieur Perronneau. Si, je le suis, et bestialement. Ici, voyez-vous, monsieur l'instituteur, je suis tout. Presque tout. Absolument tout. Je suis le drapeau, la loi, la liberté, le droit, la prison, le diable et le bon Dieu, enfin. Vous voyez bien, tout. Si bien que la région m'écoute et m'obéit, disons, aveuglément. Je n'ai pas de chance. Pardon ? Je viens de trop loin pour ne pas devoir vous dire que... D'où venez-vous, juste ? Vous ne savez d'où... même pas d'où vous sortez ? D'où voulez-vous qu'un homme qu'on a grignoté vienne, sinon du fond de son odeur. Vous me distrayez, instituteur. Si vous êtes si simple que ça. Simple ? Vous avez du ton. Depuis des années, je n'ai jamais rencontré un pygmée de votre solidité. Je ne suis pas un pygmée. Voyez-vous ? Depuis longtemps, je n'ai jamais eu que du vide devant moi. Un vide vierge. C'est énervant, le vide. Vous êtes le seul qui allez m'obéir parce que je commande. Les autres, au nom de Dieu, c'est de la foutaise. Ils obéissent par paresse. Vous, je vous fête. J'en aurai au moins un, oui, au moins un, qui obéira par conviction, donc tendrement. Je ne sais pas obéir. Rassurez-vous, vous apprendrez. Et c'est là que ça devient séduisant. Les autres savent. Depuis la naissance, ils savent. Ils n'ont pas besoin de moi. Vous, si. Vous me donnez comme ça un petit besoin. Une sorte de tentation. Vous sentez délicieusement l'animal. Vous m'avez insulté, instituteur. Je vois. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous m'obsédez. Ce n'est pas un jeu, monsieur l'instituteur. Je ne perdrais pas mon temps si vous n'étiez qu'un jeu. C'est que je vous trouve vrai, à mon tour. Vous croyez peut-être que je suis un héros. Pas du tout. Mais vous, vous m'obsédez d'une obsession délicieuse. Vous me remuez. Vous êtes une ordure pure. Or, moi, j'ai un petit faible pour la pureté, le plein. J'adore le plein. Le plein de vide comme le plein du plein. Oui, vous m'avez infligé un coup de foudre. Parce que vous êtes le plein diable, la pleine crapule, l'ordure qui vibre. Vous me bombardez vos 90 kilos de viande de cochon dans les nerfs, Perrono. Je porte ce nom comme une grossesse. Il bouge dans mes côtes, il ébranle mes reins, je vais le mettre au monde, Perrono. Il bloque mon bas-ventre, il sort, il est sorti. Ah ! Vous m'avez déviergé. Déviergé. Sortez. Pas maintenant. Quand ? Vous croyez à la marche arrière, n'est-ce pas ? Non. Les hommes de mon calibre n'ont pas de marche arrière. Ils défoncent, ils cabossent. Vous vouliez me posséder, pas vrai ? Je suis imprenable. Imprenable, vous m'entendez ? Vous voulez m'apprivoiser, dites-vous ? C'est votre droit. Le droit de la crapule. Dommage. Je suis impossible à mettre en conserve. Vous croyez ? Et comment ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qui vous envoie ? Monsieur Perrono, vous êtes bien malade du cœur, non ? Je crâne. Je réveille votre maladie. Là, ça bouge. Ça fait mal. Très mal. Ça vous tue lentement. Lentement, mais sûrement. Ça vous écroule du dedans. Parlez donc ! Osez parler si vous ne tombez pas mort ! J'ai arraché votre cœur. Je l'ai là, dans mes mains. Je l'étreins. Je le presse. Je l'étrangle. Je le tue ! Ah ! Je remonte lentement jusqu'à vous. Regardez ! Je vous fatigue comme une fille. Je vous dissous. Là, je vous donne à manger. À cette Arrêtez salle. Maintenant ? Non, pas encore. J'avance. Je vous défais le nombril, l'anus. Je vous mets des bulles de merde dans le cerveau. Assez ! Vous m'avez saboté, pygmoïde. J'ai forniqué avec vous. Je vous déviergerai. Qui vous dit que je suis vierge ? Votre façon de crâner. Mais je vais vous annuler. Il sort un carnet de chèques. On remplit un. Regardez ce chèque. Vous l'avez vu ? Je l'envoie à quelqu'un que je connais là-bas, au large du régime. En contrepartie, il devra vous torturer pendant tout le reste de vos jours. Et il le fera, croyez-moi. Pour 10 millions, il le fera. Il acceptera de vous donner à boire toute la merde du Lébango. Crânez donc que je vous vois. Hein, vous êtes fini, fini. Vous êtes une ordure digne de moi. Je vous chante. Juste le temps d'attendre qu'on touche le chèque et vous serez viré d'ici. Une bagatelle de 7 jours. Vous repartirez comme vous êtes venu, monsieur l'instituteur. vous repartirez d'ici. Et d'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire ? De raison de service en raison de service, vous découvrirez du pays. Vous êtes sûr de pouvoir me faire partir d'ici ? D'ici, d'ailleurs, de partout. Je vais t'annuler, instituteur de mes pantoufles. Et pour le faire, je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Je prends des gens, les tiens. Je ne fais aucun calcul compliqué. Je lève la tête et je trouve 3 ou 4 pygmées comme toi qui accepteront mes 10 millions et t'ouvriront les portes d'un enfer prêt à porter. Et quand tu n'en pourras plus, reviens me voir ici, dans cette maison, pour me demander pardon. Ne perds pas trop de temps. Je suis cardiaque et les médecins m'ont condamné. Qui je suis, quand je suis née, comment et pourquoi, est-ce vraiment important? Ce qui compte, c'est mon acte d'écrire, mon besoin absolu de nommer les choses. Même si ça me fait toujours bizarre de me définir comme écrivain. Parce que j'ai l'impression de nous autres, que nous autres, noirs, écrivons comme par étourderie. Notre civilisation, c'est la civilisation de la parole. Chez nous, tout naît et n'existe que par la parole. Pourtant, je suis écrivain et je suis nègre. Cela s'impose en moi comme un acte civil. Je suis surtout un homme qui, malgré tout, tente de dire tous les hommes. Mon écriture vient simplement de cette humanité en moi et de la grosse honte que j'ai à mâcher les mots. J'écris, ou je crie, pour qu'il fasse homme en moi. J'écris pour être vivant, pour le demeurer, pour le devenir. Le premier mot que j'ai écrit quand j'avais 11 ans a pour moi la même valeur que le dernier que j'écrirai. Je sais que je mourrai vivant. Tous les hommes devraient mourir vivants. C'est quoi nommer les choses ? Ont-elles besoin d'être nommées pour exister ? Et pourquoi mâcher les mots ? Vous êtes d'ailleurs très libre, pour ne pas dire impertinent, avec la langue française. Vous jouez avec les mots, vous en inventez. Mais la langue française, c'est Voltaire, c'est Montaigne, Montesquieu, c'est Molière et aussi Flaubert, et j'en passe. Mais ce n'est pas le dictionnaire ou la syntaxe. Parce que la langue, c'est la poésie qu'il y a derrière, les idées, l'intention, le vouloir dire aux autres la vérité du monde, ou en tout cas une vérité. Ce n'est pas la langue française qui m'intéresse. C'est le langage que je peux trouver à l'intérieur pour arriver à communiquer, à rencontrer mes semblables. Maintenant, on a la télévision, on a le téléphone, le fax, on a tout ce qu'il faut. Mais pour communiquer, ben on est nul. On est peut-être à l'époque la plus nulle qui soit en termes de communication. Parfois, c'est effarant. Tout le monde parle, mais personne ne s'écoute. Tout ça ne crée que des solitudes. Et puis en plus, il y a la McDonaldisation mondiale. C'est horrible cette uniformisation des langages. Tous ces gens qui ont tellement peur d'être différents. Aujourd'hui, si tu ne parles pas comme tout le monde, tu deviens gênant. Mais est-ce encore parler, penser? À ce niveau-là, un écrivain se doit d'être dans une démarche de langue, d'invention de langue. Je crois que ça s'impose, sinon c'est la mort. C'est vrai, j'éprouve un certain besoin d'amplifier les mots, de les tendre comme des cordes de guitare. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les mots. Pour moi, le style se traduit par un choix. Choix de parole, choix de souffle. On n'a pas le temps de toujours souffler et de soigner sa respiration. Pour moi qui écris au galop, je n'ai pas le temps d'être coquet avec mon temps. Alors, en matière de parole, je prends la plus coupante, la plus boxante, pour la simple raison que je suis paria. Je veux dire que le noir qui trouble, qui surprend, est toujours un paria en formation, qui a pour devoir de créer des révoltes, de les fabriquer en chaîne, d'être contagieux. Parce que seuls les révoltés peuvent sortir le monde de l'impasse où notre siècle s'est foutu. Être africain, avoir subi des siècles d'esclavagisme et de colonisation, nous octroie ce grand privilège d'avoir expérimenté au premier chef le bâclage de l'humain, d'y avoir participé et de poursuivre aujourd'hui la même saloperie dans nos soi-disant indépendances. Oui, nous sommes des assassins. La terre est remplie d'assassins. Nous préparons l'assassin du genre humain. Et nous faisons semblant de ne rien savoir. À cette situation, ma réponse est le refus et la révolte. Mon métier, révolté. Grade, révolté. Fonction, révolté. Je refuse l'homme bâclé. Vendu à la ferraille et aux sous-produits des civilisations dites du progrès. Et parce que c'est dans cette langue-là que le peuple dont je témoigne a été violé. C'est en français que moi-même j'ai été violé. Et mes rapports avec la langue française sont des rapports de force majeure. Oui, finalement, s'il y a du français et de moi quelqu'un qui soit en position de force, ce n'est pas le français, c'est moi. Je n'ai jamais eu recours au français, c'est le français qui a eu recours à moi. Tout au long de son histoire, l'Afrique a fait parler. On a même beaucoup parlé en son nom, à sa place. L'Afrique avait sans doute beaucoup à dire, mais on a fait âme basse sur elle. Maintenant, pour des raisons de salut, il faut qu'elle parle et qu'elle surprenne. Parce qu'à mon avis, l'Afrique est le nouveau monde. Nous avons un droit spécial à la parole. Notre parole est spéciale parce qu'elle oblige le monde à changer de logique. Notre monde doit choisir entre changer de logique et pourrir. Mourir. Car notre loi logique actuelle, basée sur le profit et le cannibalisme économique, mais aussi culturel, philosophique, esthétique, aboutira sur un ensauvagement toujours plus grand de l'espèce humaine. Le comble est que pour les âmes faibles de notre temps, ce cannibalisme est vécu comme un mal nécessaire. Si bien que notre siècle manque d'idéal, d'espérance. Notre siècle est un grand danger pour demain. Nous avions gardé l'humanité intacte pendant 2 millions d'années, alors que moins de 300 ans de cannibalisme technologique ont suffi pour créer les monstruosités écologiques que vous connaissez. Alors si l'Afrique doit parler, c'est d'abord et avant tout pour dire qu'aucun mal n'est nécessaire. Vous voyez, parce que je suis africain, je n'ai pas le choix. Je suis engagé par rapport à l'espèce humaine. Mais vos romans et vos pièces donnent à voir une espèce humaine pas très reluisante. Je suis heureux qu'on ait peur de mes livres à cause du sang qui saigne là-dedans. Mais que fait-on du sang qui rampe sur nos murs, sur nos rues, dans nos villes et dans nos sociétés? Celui-là, on l'applaudit. Ou bien, on fait comme si de rien n'était. Peut-être voudrait-on que, dans un monde bien rempli de cadavres, on se mette à bercer les gens avec des mots de bois? Il n'y a pas de calmant au mal qui nous entoure. Il faut l'extirper. Et en commençant par le nommer. Quand j'écris, ce n'est jamais tout à fait moi qui parle, mais le monstre en moi. Et ça n'est jamais tout à fait vous en face, mais la part de monstre en vous endormi que je réveille intentionnellement. C'est-à-dire que vous n'y verrez clair que si vous avez le pied profondément humain. Alors oui, je répugne, je fais honte, je sais, c'est mon métier, c'est moche, mais ça me suffit. On dit que mes livres traitent des dictatures africaines. Mais relisez, je n'écris que sur la vie. La vie que nous avons tous cessé de respecter. Quand Bokassa Ier bouffe ses nègres là-bas en Centrafrique, Les médias occidentaux se marrent et les gens se frottent les mains. Comme s'il n'y avait jamais eu en Europe Hitler premier. Comme si les cannibales d'aujourd'hui qui transforment la viande humaine en fric n'en bouffaient pas moins les hommes. À quoi sert un écrivain s'il ne peut pas appeler les choses par leur nom? S'il n'a pas suffisamment de nœuds dans sa culotte, non pour désespérer, mais pour montrer qu'il y a quelque chose vivre et bon. Que chaque génération humaine est, je crois, responsable de la vie, redevable de lui donner un souffle neuf. La vie est un scandale, mais elle n'est pas un drame. Je pense qu'à la limite, on peut accorder aux hommes un brin de chance. On doit malgré tout encore leur faire confiance, les aimer. Si je pouvais parler à tous les hommes, je dirais à chacun d'entre eux, c'est de toi que je suis fou. Toute mon écriture est une manière de dire cette chose. C'est dingue d'être amoureux de l'humanité, mais je le suis et je suis fière. Sous-signé cardiaque, extrait 2. Des semaines plus tard, une salle d'attente, dans un hôpital de la capitale. Sur le banc, 8 personnes attendent avec Malo. L'assistante sort du bureau de la docteur. Vous êtes le monsieur d'hier? Pardon? Si vous êtes le monsieur d'hier, je vous demanderai... Madame, je suis le monsieur d'aujourd'hui. Et je veux voir la docteur. Pourquoi? Pourquoi voit-on un docteur? J'ai besoin d'un certificat médical. La docteur ne vous recevra pas. Qu'elle vienne me le dire elle-même. Vous êtes si important. Un malade est toujours important. Vous voulez que j'appelle la police? Pourquoi faire la police? Pour vous faire partir. Madame, regardez-moi bien. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui fait travailler la police? Non. Alors s'il vous plaît, dites gentiment à la docteure que le malade d'hier est revenu. Elle me dira de vous dire qu'elle ne vous recevra pas. Essayez encore. Tenez, dites-lui que c'est mon père, son oncle, qui payait pour ses études. L'assistante sort. Longue attente. Pleure dans le couloir. Ce papier-là. La météo est plus forte que nous. Ils ont pas pouvoir poursuivre à l'intérieur. Ils ont vite installé. Rejoignez-nous à l'intérieur dans la seconde partie de la salle. Parce que je rentre car. Bon, c'est tout ça. L'assistante sort. Longue attente. Pleure dans le couloir. La médecin rentre. Ah, autant pour moi, je croyais qu'on prenait autre. Ah. On en prend. Non. Toi, t'étais au bon endroit. Ce papier-là, quand je l'aurai. Mais oui que je l'aurai. Impatienté, il entre directement dans le cabinet de la docteur. Bonjour, docteur. Qui vous a dit d'entrer? Ma fatigue. Cousine. Oui. Tu vas me le faire, ce papier? Non. Tu vas me le faire? Non. Cousine. Je ne peux pas uriner sur mon boulot. Tu ne l'as jamais fait? Ah, si. Si. Alors, tu ne veux pas répéter? Non. Cousine. Je ne suis pas votre cousine. Docteur. Je ne suis pas votre docteur. La docteure se lève pour sortir. Malo lui barre la route. Voulez-vous que j'appelle la police? Ça, c'est de la lâcheté. Laissez-moi passer. Le papier d'abord. Je vais me fâcher. Tout le monde peut se fâcher après tout. C'est le pays. Vous avez dépassé la frontière. Il faut me comprendre. Docteur, vous n'avez pas le droit de fermer la porte à la réalité du pays. Je suis la réalité de ce pays. Docteur, pourquoi êtes-vous docteur ? Pas pour soigner les cas de Saligo, quand même. Docteur, vous vous trompez sur mon compte. Je suis malade, très malade. Ah, pour ça, oui. Je souffre d'un Saligo, une espèce de tumeur qui s'appelle Perrono, et ça clique. Vous souffrez d'une clique ? Je me bats. Quelqu'un a bouffé 10 millions pour se jouer de ma gueule, et qui a encaissé ? Judas ? Non, même pas. Une punaise qui se cache là-bas au large du pouvoir et qui parle à mon nom, qui me tue à mon nom. Je ne suis pas le Christ, moi, je ne sais pas pardonner. Mais là-haut, dans les bureaux du ministère, quelqu'un a acheté ma vie et me pousse où il veut, comme un chiffre, d'un bout à l'autre du pays. 3 mois ici, 2 mois là, à chaque fois, viré sous de faux prétextes. Et maintenant, il veut me bombarder aux endos. Non, je veux rester ici. Qu'il me sente dans son verre de champagne, qu'il me respire dans son bouillon de bœuf et dans les femmes qu'il monte. Mais pour rester, il me faut une excuse, un prétexte, des papiers détachés, vous comprenez ? Je veux être détaché de l'enseignement actif pour savoir qui a bu l'argent de Perrono. Docteur. Ouais. Faisons la paix, voulez-vous ? On n'a pas fait la guerre. Si, vous me refusez le papier. Ça n'est pas la guerre. C'est quoi ? Si vous étiez malade, je vous le ferais, ce papier. Vous ne me foutrez quand même pas malade pour... Je veux un papier. Comment on en immerge ce pays ? Je suis signé docteur Patati Patata, certifie que le nommé Malo Bayenda a été hospitalisé dans mon service pour... je ne sais pas moi... insuffisance cardio-pulmonaire et un contrôle radiologique bimensuel est exigé. Voilà. Comme ça, ils me mettent dans les bureaux du ministère. Je veux savoir qui m'a vendu à Perrono. Et quand vous le saurez ? Ben, je le saurai. Et il lui faudrait une belle dose de crachat dans les poumons. Et il en mourra. Oui, j'en suis sûr. Il en mourra. Comme d'un venin. Je vous fais le papier. C'est vrai ? Tout de suite. Parce que vous me ressemblez un peu. Rappelez-moi votre nom. Bayenda Malo. La goûteur rédige un certificat médical. Elle le tend à Malo. Ça va comme cela ? Merci, docteur. Vous êtes guéri maintenant. Oui, docteur. Au revoir. Adieu. Mais parlez. Même quand les mots refusent, parlez pour ajouter du monde au monde. Parlez, vaille que vaille. Creusez les choses jusqu'à ce qu'elles vous haïssent. Et jouez son cœur, jouez son sang, jouez son sexe. Se jeter à la figure. Des gens nommés. Tenir entre pouce et index et lâcher. Casser les étoiles contre ce chagrin de jadis. Échanger de chair. Avec, bien sûr, cette prime de génération. Tu n'as pas d'ampoule, pas d'abat-jour, mais une vie crue qui fait l'amour avec les mots. Les mots me charment, me font signe et demandent que je leur retrouve du travail à n'importe quel salaire. Les mots viennent en foule sous la plume. Comme des prolétaires, les mots revendiquent leur droit à la parole et veulent établir la dictature des mots sur la vie. Il faut quelqu'un qui les comprenne, quelqu'un qui les prenne à son service. Hélas, je ne suis pas celui-là. Les mots croisent les mains, s'assoient et s'endorment au pied du poète qui seul connaît leur valeur. Les mots vont mourir si quelqu'un ne les remue à temps. Les mots sont du silence qui parle. Des bulles de silence qui parlent. 46. Vous avez récemment pris des engagements politiques concrets et vous avez été élu député. Est-ce parce que les mots ne suffisent plus et qu'il faut maintenant passer à l'action concrète ? Pas du tout. Parce que l'action politique, pour être féconde, doit être portée par une parole d'humanité. Toutes les théories économiques actuelles sont en train de s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas une puissance du verbe derrière, une pensée forte, qu'il n'y a pas d'idée, de projet, de rêve à partager. C'est grave, c'est la mort. N'y a-t-il pour vous de littérature engagée ? Je ne crois pas en la littérature innocente. Par ma parole, je témoigne d'un siècle, quand je fais le constat d'un accident de civilisation, quand je dis « Nous avons plus de nourriture sur notre terre qu'il n'y en a jamais eu auparavant, mais toujours plus de gens qui y meurent de faim. » Quand je dis « Nous avons plus de savoir et plus de philosophie bien intentionnée, mais toujours plus de personnes sont massacrées ou jetées en prison chaque jour. » Quand dans mes romans, je couvre de honte ces gays providentiels et les mamans de la nation, les cannibales des puissances étrangères qui nous fournissent des guides cannibales, etc., etc. Je suis engagée par rapport à l'espèce humaine. Écrire, nommer, ce n'est pas faire la morale et vouer les méchants au supplice de l'enfer. Non, c'est encore et toujours une affaire d'humanité. J'ai la chance de n'être qu'opprimé. Et sur le plan humain, l'oppresseur s'avère encore plus déshumanisé que moi, qui opprime. Et en tant qu'homme, j'ai pitié de lui. Alors, je regarde si je ne peux pas le sauver de son inhumanité. Si je ne peux pas, en quelque sorte, faire d'une pierre deux coups, nous sauver, lui et moi. Parce que la haine ne sauve pas. Qu'est-ce qui vous autorise à parler au nom des Africains, de l'Afrique ? Personne. D'ailleurs, je ne parle au nom de personne, sinon de moi-même. Et pour cela, je n'ai besoin d'aucune autorisation. Pour vous répondre autrement, disons que la misère de l'homme, je m'autorise à en parler parce que je la connais. J'ai souffert de faim. J'ai souffert de pauvreté. J'ai emprunté de l'argent sans savoir comment le rendre. J'ai eu des amis à qui je ne pouvais donner que mon cœur. Et j'ai eu des ennemis qui en voulaient à ma peau. Alors, dans mes livres, je ne parle que de cela. La pauvreté, l'injustice, les mystifications, l'écrasement. Et je pense que je n'aurai jamais l'occasion d'écrire un livre tendre. Évidemment, la misère du besoin pourrait être plus facilement gérable que la misère de l'avoir qu'on rencontre en Europe. Mais ne vit-on pas malgré tout une période de progrès ? Mais ce fameux progrès devrait nous faire peur, parce qu'il nous est imposé de force par une minorité de nantis, parce qu'il nous livre à l'ensauvagement de l'espèce et qu'on va tous se casser la gueule. On ne peut pas vouloir imposer le bonheur sur Terre sans avoir au préalable créé une humanité. Tant qu'il y aura en notre monde un destin hautement commun, la division tragique entre d'une part les nantis qui ont tout et d'autre part les rigolos de la périphérie, démunis jusqu'au sang, le progrès sera malade. Si les nantis continuent à entretenir des conditions d'invivabilité dans les pays du tiers-monde, s'ils continuent à y cultiver l'insécurité, la trouille, la mort et l'intolérance, s'ils continuent à financer les horreurs et la nullité des partis uniques, le monde sera guetté par une apocalypse digne de celle qui emporta la race des dinosaures. Cette vérité est dans la bouche. Elle est hélas la mesure exacte de notre siècle. L'Europe doit, pour sa survie, comprendre qu'une Afrique sacrifiée entraînera sa propre déconfiture économique, sociale, culturelle et humaine. Nous sommes mis au défi de créer enfin une culture de l'humain, parce qu'elle est la condition de notre survie commune. Autre triple plan moral, écologique et logique, le Nord a engagé notre planète vers un suicide collectif. Si nous ne nous battons pas ensemble contre la médiocratie, le gâchis, l'injustice et l'humiliation, il n'y aura pas d'autre vainqueur que le cosmocide. L'appauvrissement imposé à beaucoup de pays du tiers-monde aura des conséquences incalculables sur l'avenir des rapports entre les hommes de notre planète. Il y aura de moins en moins d'hommes qui acceptent d'être outragés, bâclés, exploités. La raison laissera de plus en plus sa place à la violence aveugle et à la révolte. Ceux à qui l'on refuse la mention d'humain choisiront d'être des bêtes brutes, sans loi. Sans autre loi, en tout cas, que le réflexe de survie, la peur panique de l'autre, celui qui ne nous ressemble pas, la peur de la bête traquée qui se croit obligée de mordre. Cette peur-là ne devrait pas être le sentiment des hommes, mais des animaux. Or, à combien d'hommes notre monde prétendu de savoir, de liberté, d'humanisme, de paix et de progrès n'impose-t-il pas cette peur-là ? La peur barbare de la bête condamnée à mordre. Sous-signé cardiaque. Extrait 3. Salle d'attente au ministère de l'Enseignement où Malo végète avec 5 autres. Va et vient des employés. La secrétaire particulière du directeur apparaît. Désolé, messieurs. Le directeur ne reçoit pas aujourd'hui. Revenez mardi. C'est pour tout le monde, cette réponse ? Bien sûr, monsieur. 3 mois. Ça fait 3 mois que vous me flanquez cette réponse. Je n'invente pas, monsieur. Ce sont les ordres de monsieur le directeur. Certainement. Dans ce pays, on n'invente pas. Je suis désolé, monsieur. Si j'étais grand-chose, hein, mademoiselle, vous croyez qu'il m'aurait laissé poireauter pendant 3 mois ? Mais je suis leur chose, leur objet. Ils me marchent dedans sans tenir compte de rien. Un peu de poussière au fond du système. Je suis seul. Seul dans cet océan de merde. De lâcheté. Noyé. Perdu. Fini. Raturé. Mâché. Je suis avec vous, monsieur. Qui ? Vous ? Avec moi ? Le directeur m'écoute particulièrement. Et si je lui dis que vous êtes mon cousin ? Il vous recevra. Non, merci. Vous ne pouvez pas soulever un cousin de mon calibre. Je suis peut-être votre seule chance de voir le patron. Vous connaissez le pays, j'imagine. Il faut toujours passer par une jolie cousine pour arriver à quelque part, là-haut. Comment vous appelez-vous déjà ? Malo Bayenda. Alors vous acceptez mon aide ? Je n'accepte pas qu'on se prostitue pour moi. Qui vous a dit qu'on se prostituera ? Le pays est le plus grand consommateur mondial de putains. Nous sommes à Hosanna, oui ou non ? Hosanna, c'est bien la capitale mondiale de la lâcheté. C'est notre pays. Du vide ! Nous sommes devenus les plus grands producteurs mondiaux de vide. Nous nous sommes trompés de combat. Nous nous sommes trompés d'indépendance. La porte du directeur s'ouvre. Un monsieur grossièrement rentru fait son apparition. C'est vous qui beuglez comme un fou. Monsieur le directeur, il veut vous voir. Monsieur, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Je suis le seul lébangolais lucide dans ce pays. Filez, s'il vous plaît, avant que n'appelle la police. Je venais vous parler. Vous m'avez parlé. Mon nom est Malo Bayenda et j'ai un problème. Tout le monde a un problème. C'est mon cousin, monsieur le directeur. Ah. Que ne le disiez-vous ? C'est long, votre problème ? Je voudrais être détaché de l'enseignement actif à cause de ma santé. C'est tout ? De quoi souffrez-vous ? du cœur et des poumons. À vous entendre vrombir, on croirait que vous avez 20 cœurs et 50 poumons. Entrez, asseyez-vous. Ils entrent dans le bureau du directeur qui lit en silence le papier que lui a tendu Malot. Bon, monsieur Bayenda, j'ai lu votre demande. Et les raisons que vous évoquez pour votre détachement seraient, oui, je dis bien, seraient valables si le certificat médical qui les accompagne n'était pas faux. Il est faux, le papier ? Dis donc, monsieur Bayenda, vous avez cru que nous avalons les déclarations médicales comme vous avalez un verre de bière. Ce papier est vrai, monsieur le directeur. Alors c'est vous qui êtes faux, quoi ? Monsieur le directeur. C'est honteux. Monsieur ! Honteux ! Vous trahissez la révolution, vous trahissez l'Afrique, vous trahissez l'humanité. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que c'est qu'un homme ? C'est quoi ? Un homme ? J'ai vu tout le monde dans ce pays, vous m'entendez ? Et tout le monde jusqu'à ce papier m'a envoyé jusqu'à vous. Parce que vous devez connaître un monsieur au crâne nu appelé Perronneau, n'est-ce pas ? Vous le connaissez, n'est-ce pas ? Et son argent ? Vous m'avez bouché avec du papier, des bureaux et des heures d'attente. Vous vouliez m'effacer d'un gros trait au centre de la chair. Vous avez essayé de me gommer avec votre odeur immonde de directeur de caca. Filez ou j'appelle la police. Je ne partirai pas. Je suis venu vous tuer, comme ça. Pour rien. Si. Pour me mettre au monde, il faut bien que j'arrive à exister, comprenez-vous ? J'en ai marre d'être du néant. Eh bien, je me recrée. Je me recommence. Je vais me mettre au monde, là, devant vous. Oui, je vais accoucher de moi. Oui, je suis. Un moment, un jour, une minute, ça n'a pas d'importance. Pourvu que je me sente là, je m'entende être. Et pour ça, il faut que je vous tue. Je tire un grand trait sur vous. Il lui crache à la figure. Oui, le papier est faux. Je l'ai demandé au docteur parce que j'en avais besoin. Et tellement besoin qu'il était devenu vrai pour moi. Dites maintenant que c'est honteux. Vous qui avez croqué les sous de Perronneau, vas-y, dis-le. Ordure. Vous allez tout cracher tout de suite. Vous m'avez vendu à des cailloux pour acheter des femmes, du vin, des villas. Moi, pour me venger, je vais éparpiller votre sang de bâtard, de Satan. J'en saurai la chaleur et l'odeur. J'en saurai le goût. Vous tremblez ? Vous ne saviez donc pas que vous alliez mourir, monsieur ? Allons, monsieur le directeur. Écoutez, je vais naître. Je suis né. Et lui crache à la figure. La salive, c'est le milliard du simple. Il crache. Là, je vous éparpille, je vous disperse tendrement. Car c'est vous, oui, seulement vous qui m'avez fabriqué. Vous êtes le père du monstre que je suis. Vous êtes l'impérialisme, le colonialisme, le sous-développement. Ordure. Je pourrais vous pousser là, par la fenêtre, et rentrer paisiblement chez moi, mais je ne suis pas un criminel. Demain, la radio nationale dirait que vous avez eu des vertiges ou que vous vous êtes suicidé. On vous offrirait des obsèques luxueuses. Et j'y serais, moi, en train de rigoler. Perronneau aussi serait. Dites, qu'est-ce que vous avez acheté avec l'argent ? Hein ? Répondez donc ! Mais mordez, charognard ! Vous ne voulez pas ? Ah ! Vous attendez le dos, n'est-ce pas ? Eh bien, je m'en vais. Je vous tourne le dos. Vous frapperez dans le dos. C'est le propre des ordures. Ah, je vais naître. Je suis né. Je me fête. Il ouvre la porte du bureau et sort. Nombreuses œuvres qui sont à la croisée du réel et de l'imaginaire les sans cesse questions d'une vie qu'il faut dépasser. J'en veux pour preuve le titre de votre premier roman, La vie et demi, et puis des phrases comme rêver un autre rêve, ou vivre une autre vie. Je suis en train d'aller plus loin que la vie. Est-ce que ce n'est pas là finalement votre message? Aller au-delà de l'immédiatement accessible, se dépasser. La vie a une telle saveur, une telle force foisonnante, explosive. Et nous, on s'obstine à vouloir tout réduire, parce qu'on veut tout maîtriser, tout gérer. On ne peut pas maîtriser la vie, et c'est tant mieux. Je voudrais parler d'une chose qui me paraît importante, c'est ce qu'on peut appeler le magique. Je suis un homme de forêt et de haute savane, quelque peu étranger à la ligne droite tant prisée par l'occidental. Dans la forêt, on ne peut pas aller tout droit. On le voit, on cherche, on descend, on monte, on zigzague. C'est ça, notre vie. On écarte une partie de la réalité par la ligne droite, la logique droite. Parce que la magie aussi a sa logique. Je ne me spécialise pas comme un Africain illogique. Non, la magie a une logique profonde. La forêt a sa logique profonde. Mais la réalité de la forêt est telle que quand vous prenez la ligne droite, d'abord vous n'avancez pas facilement. Et surtout, vous vous supprimez une très grande partie de réalité. Nous avons tous le devoir d'ajouter du monde au monde par notre pratique de la sensibilité. L'intelligence est une forme de sensibilité. Par notre exercice magique de l'imagination. Car en fait, la honte n'est pas de rêver, mais de manquer d'imagination. Antonin Artaud disait « Nous ne sommes pas encore au monde. Les choses ne sont pas encore faites. La raison de vivre n'est pas encore trouvée. » Je pense aussi à des auteurs comme Jules Verne, Kafka, qui ont aussi appris que le rêve, ou l'imaginaire si vous préférez, trouve toujours sa place dans la réalité. Que l'imaginaire d'aujourd'hui peut être la réalité de demain. Lui seul montre quel tort nous aurons de penser que le monde est déjà fait, que nous n'avons plus qu'à nous contenter de la fonction honteuse de consommateur. Et le théâtre dans tout ça? Le théâtre est peut-être justement la seule manière de renouer concrètement avec la vie dans toutes ses dimensions politiques et magiques. Et puis je fais le théâtre pour faire entendre le grand rire énorme de l'histoire, pour faire naître au milieu de la cité ce rigolement majuscule qui permet aux hommes de se guérir de la plus grosse maladie qui les mine, le mal à l'âme. Faire du théâtre pour moi, c'est libérer la vie par le biais d'un assassinat, l'assassinat perpétuel du mensonge. Dans un monde pris en otage par le vertige de l'artifice et du faux clinquant. Faire le théâtre, faire rire au théâtre, c'est échapper au statu quo pour pouvoir réinventer la vie. Et maintenant, la question bateau. Pourquoi faire le théâtre à Limoges chez la cousine Monique? Très sincèrement, sur ces terres du Limousin, j'ai le sentiment de venir à une espèce de rituel moderne. J'assiste à la danse des différences. Ici se noue une véritable initiation à l'espérance. C'est ambitieux de le penser de cette manière, mais je crois que nous construisons des portes au siècle qui vient, celui dont Malraux disait qu'il serait spirituel ou ne serait pas. Vous êtes optimiste? Ah oui, oui, oui, absolument. Résolument? Résolument. Vous avez des raisons de l'être. Les concepts les approches, les habitudes, les méthodes, les outils, les nations, les espaces. Tout, au jour d'aujourd'hui, est à réinventer. C'est la seule possibilité qui nous reste de contourner le cosmocide de notre planète. Mais je sais que nous en avons le pouvoir, l'énergie, une énergie immense. Si bien sûr on en a la volonté. De toute façon, tant qu'on n'ira pas à l'essentiel, tout ce qu'on va élever va se casser la gueule. Et l'essentiel ? L'essentiel, c'est justement la saveur fondamentale de la vie. De ma vie, de votre vie, de la vie des autres. C'était donc Sonny Laboutancy, une prestation au Théâtre du Peuple. Et maintenant, vous allez écouter le chant des arbres que vous pourrez réécouter demain à Vanier, au Plateau Ivre, avec à 18h la compagnie Tout Possible, très sympathique, que je vous recommande. Et puis, là, le chant des arbres, par Chantal Laxener et sa chorale. Nous les avons vus déjà cet été, et au terme d'un stage, et c'est vraiment très, très, très, très bon. Et en voici donc un extrait conséquent. Voilà. Chant des arbres. L'atelier, en fait, c'est un concert. Nous avons fait pendant 3 jours un stage de chant dans la forêt vosgienne. Nous avons essayé de chanter faux au maximum pour faire pleuvoir. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un petit temps de délai. Hein, c'est voilà. C'est pas comme les mails d'un coup. Voilà, c'est peut-être encore là. Donc on a donc travaillé pendant 3 jours. Alors dans ce groupe, quand même pour vous faire une confidence, il y a beaucoup de gens qui chantent déjà avec moi dans l'année. J'anime un atelier chant côté de l'Aisne là-bas. Et puis il y a quelques personnes qui sont du cru, qui sont du coin, des gens qui n'ont jamais chanté avec moi. Donc pour eux, ça a été. C'est une performance, parce que ça a été beaucoup de travail. Donc le répertoire qu'on va vous proposer, ce sont des chants. On avait ça, chant du monde, moi je dirais chant traditionnel, chant populaire, chant de tradition orale. On n'a pas de partition, on a des mots et des sons. Alors c'est un territoire qui situe beaucoup, c'est un hasard, peut-être pas. Voilà, en Italie, en Albanie, en Macédoine, il y a un. Oui. Voilà. Donc, que vous dire de plus? On va faire rentrer les. Macédoine, on va en Albanie avec Copillé. Chant d'amour. Oh petite fille, petite giroflée des montagnes qui resplendit comme le soleil, comme la neige là-bas sur les montagnes, mon cœur est à toi. Tu me fais fondre, tu as fait fondre ma chair, et à moi, tu n'as laissé que les os, comme l'anneau de brillant que je garde au doigt, mon cœur est à toi. D'amour, et comme toutes les histoires d'amour. Aman, Aman, une exclamation pour dire le chagrin. Sur les montagnes de Kikos, le brouillard tombe bas. Une jeune fille attend le retour de son bien-aimé. Pouvoir boire à nouveau à la source et laisser les montagnes fleurir une fois de plus. Là, on va se retrouver dans les pouilles, dans le talon de la botte en Italie, avec un chant de femme. Un chant de femme. Donc, c'est très rare les polyphonies de chants de femme, mais on en trouve quand même, justement, dans les pouilles. Et qu'est-ce que je voulais dire voilà, ça, c'est un chant qu'on a travaillé cette semaine, donc il est très frais. très frais. Et ben, on a trouvé que c'était bien là, que ça soit très frais. Voilà. Et je vais vous dire, il y en a qui sont pétés de trouille. Voilà, parce qu'il y a un peu des. Voilà, c'est un peu. Voilà, mais c'est. Voilà. Et c'est un chant, ben, encore une fois, c'est un chant d'amour, c'est une histoire d'un premier amour. Ben voilà, et il est parti ailleurs, voir ailleurs. Donc ça se passe pas forcément très très. Voilà, un peu triste quoi. Est-ce que tu dis que c'est un peu maladroit comme le premier livre? Oui, c'est un peu maladroit comme le premier livre. Voilà. Je lui dis à un moment ils vont partir, mais non. l'a fait la première fois dans l'église du Audito. Je dirais pas. Hein. Hier soir. Estratate longa, a mie curta me pare. Ah. pietru a mie necina. Avec un chœur, c'est un chant où il y a des solistes. Ouais. Il y a une femme qui lutte contre un chœur. Là, on a mis deux solistes parce que voilà, c'était un peu. Et vous entendez, il y a des sonorités un peu qui vous paraissent un petit peu fausses. Mais le faux est toujours relatif. Il y a des gammes avec. Bah oui. Ma Fabienne. Bon, bref. Donc, il y a une carte augmentée, par exemple, qui fait que ça fait un peu une sonorité un peu bizarre. Ça, les Pouilles, on est quand même dans le sud de la Méditerranée, donc les Pouilles ont été bien traversées par la Grèce, par les gens qui viennent d'Espagne, il y a les gens qui viennent de l'Afrique du Nord. Donc on a des gammes un petit peu qui nous semblent, nous, français, un peu, voilà, on n'a pas l'habitude. C'est vraiment, on n'a pas l'habitude d'entendre ces choses-là avec des sons, des sonorités, c'est des voix poussées. Des voix qui sont ancrées dans le corps, qui sont ancrées dans la terre. Et c'est un répertoire qui demande, même, enfin, il y a plein de répertoires qui demandent d'autres choses, mais ça demande vraiment un investissement. On ne chante pas avec sa gorge, on chante avec son corps, avec ça. Ce n'est pas que la tête, on chante avec son énergie, avec ancrée dans, vraiment dans la terre. Bon, j'arrête. Merci. Et on repart au nord de l'Italie. Gorizia, Italie du Nord. Le matin du 5 août 1917, sous l'eau qui tombe à verse, grêlent les balles ennemies. Sur ces monts, ces collines, ces grandes vallées, on meurt dans la boue. Vous, Seigneur, officier, vous appelez cette terre un champ d'honneur? Nous, viande humaine, on meurt ici en criant, assassin, vous serez maudit. We see more. Et eh bien, c'était donc l'émission de l'équinoxe. Il y a beaucoup de prestations artistiques un peu partout. Moi, je vous l'ai dit, le plateau ivre. Demain, fin septembre et début octobre, à nouveau les 100 scènes à la Bresse. Et puis certainement que j'en oublie, il y en a tellement, mais je vous signale les plus sympathiques pour nous et les plus incontournables pour nous aussi et pour vous. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, hein, en fait, c'est plus que la nuit. C'est plus que la soirée. Voilà.